Nous venons d'entendre donc le prologue de l'Évangile selon saint Luc. Le prologue, comme vous savez, c'est comme un genre de préambule à un document important. Prologue de saint Luc, parce que nous allons lire, comme vous savez, cette année, l'Évangile de saint Luc à la suite tous les dimanches de l'année. Parce que les années liturgiques du dimanche roulent sur trois années, l'année A, B et C, où on respectivement Marc et Luc. Et cette année, c'est l'année de Luc qui tombe bien, c'est l'année de la miséricorde, car Luc est l'évangéliste par excellence de la miséricorde. C'est à lui que l'on doit notamment l'extraordinaire récit de la part de l'enfant prodigue, cet enfant qui revient et tombe dans les bras de son père, il revient à la vie. C'est lui qui nous raconte aussi, il est l'unique qui nous raconte la parabole du bon samaritain, qui nous décrit Marie-Madeleine qui pleure sur les pieds de Jésus, qui nous montre aussi le blaron qui, à la fin de son existence, reçoit de Jésus le ticket pour le paradis parce qu'il a cru que celui qui est crucifié est le Seigneur qui viendra dans son royaume. Saint Luc est un païen, c'est-à-dire ce n'est pas un juif. Il n'a pas connu Jésus de son vivant. Il a probablement écrit vers 80, même pas de la Palestine. Il est sans doute de la Syrie actuelle, Antioche, une ville qui n'existe plus. C'est un homme de culture, un lettré, peut-être un historien. Et la façon dont il écrit l'Évangile porte cette marque évidente. Alors, il nous dit que avant d'avoir entrepris la composition de ce récit, il s'est informé auprès des témoins oculaires et ceux qui sont devenus les serviteurs de la parole. En fait, ce prologue n'est pas seulement le prologue de l'Évangile, si des Actes des apôtres, qui formaient un seul livre en deux volets à l'origine. C'est la structuration de la Bible qui les a dissociés l'un de l'autre, mais dans la vision de Luc, c'est une seule et même œuvre. L'Évangile, c'est Jésus qui est le Fils de Dieu, qui vient dans notre chair, dans notre histoire, pour annoncer l'Évangile, mourir et ressusciter. Et les Actes des apôtres, le deuxième grand volet, s'inaugurent par l'ascension de Jésus au ciel et par l'événement initial de la Pentecôte. Donc, l'Évangile, c'est un peu l'histoire de Jésus et les Actes des apôtres, l'histoire de l'Esprit-Saint. Mais c'est le même salut qui s'opère dans des phases différentes. Alors, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as reçus, j'ai décidé d'en faire un récit suivi, pas forcément chronologique, mais logique, théologique, qui nous révèle donc le message de Dieu dans la personne de Jésus-Christ et l'action de l'Esprit-Saint. Et puis, dans le découpage d'aujourd'hui, on fait un saut du chapitre 1, verset 1, au chapitre 4. Parce qu'on a entendu pendant le temps de Noël les récits de l'enfance de Jésus jusqu'au baptême, qui est la première grande césure de l'Évangile, la fin de la vie cachée de Jésus. En remontant de l'eau, il est manifesté au monde, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il va aller affronter Satan au désert et victorieux, eh bien, il commence son ère dans la, c'est-à-dire dans la partie septentrionale de la Terre Sainte, cette Galilée qui est aussi le carrefour des nations, qui n'est plus au sud, Jérusalem, qui est un milieu plus cloisonné et où se trouve la capitale et religieuse d'Israël. Et donc Jésus, comme à la synagogue de son enfance, et il ouvre le livre du prophète Isaïe. Déjà dans ce geste, quelque chose de prophétique, parce que c'est en Jésus que s'explique toute l'Écriture. C'est en lui que se déroule la compréhension du message de Dieu à plénitude. Et il lit donc un passage du prophète Isaïe qui a été écrit probablement 6 siècles avant l'existence de Jésus sur la terre. Et voilà, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Et refermant le livre, tous ont les yeux fixés sur lui. Ils attendent sans doute sa prédication et il dit, c'est aujourd'hui que cette Écriture s'accomplit. Alors le mot accomplir a un double sens, c'est-à-dire que oui, ce qui avait été promis maintenant se réalise, mais ça a un sens de perfection. C'est en Jésus que le dessein atteint sa plénitude, sa perfection. La plénitude des temps, c'est le moment où l'éternité vient dans le temps pour faire du temps un chemin vers la vie éternelle. Donc, la plénitude en Jésus-Christ. C'est un temps de nouveauté, mais qui vient dans la continuité de ce qui est ancien. Jésus se situe dans une histoire, lui qui transforme. Et il vient d'une certaine manière remettre le peuple de Dieu au contact avec la source de la religion juive, dans la puissance de l'Esprit-Saint. On pourrait dire que Jésus est un original. C'est un philosophe français, Fabrice Hadjadj, qui disait un original, c'est pas un gars un peu space ou marginal, à part. C'est quelqu'un, au fond, qui retourne à l'origine. Vous savez, un peu comme Saint François d'Assise, c'était vraiment un original. Mais pourquoi? Parce qu'il est retourné au sens original, dans toute sa pureté, sa simplicité. Jésus, donc, est un original. Il nous renvoie à l'origine qui est en Dieu et au projet de Dieu qui est toujours origine. C'est une origine qui est toujours contemporaine. Ce n'est pas une origine ancienne. Ce n'est pas un début dans le passé, mais c'est un commencement qui est toujours présent. C'est ça qui est extraordinaire avec la présence de Dieu dans l'histoire. Un commencement toujours présent, mais qui nous invite à penser. Jésus vient comme reconstruire l'alliance avec Israël, un peu à la manière dont Esdras l'avait fait au temps du prophète Néhémie, au retour de l'exil, où l'espérance d'Israël avait été ruinée par la déportation, la perte de la Terre Sainte, du temple, de l'alliance, du culte, des prophètes. Mais voilà qu'il rentre à Jérusalem par un décret d'un empereur païen, et il retrouve ces livres de la loi qu'ils avaient perdus, qui avaient été enfouis. Et le peuple écoute cette lecture et il pleure. Pourquoi il pleure? Ben, sans doute parce qu'ils n'avaient pas entendu ça depuis longtemps, mais aussi parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent plus le langage dans lequel a été rédigé ce document, la loi de Moïse. Donc c'est les scribes qui se chargent de non seulement de traduire, mais d'interpréter et d'appliquer à aujourd'hui ce qui est écrit dans ce livre. Et c'est avec cette impulsion que les Juifs vont rebâtir les ruines de Jérusalem, rebâtir le temple, renouveler l'alliance. Ils vont faire une expérience originelle. Et la deuxième lecture nous propose aussi une vision de reconstruction. Celle-ci pas avec des pierres qui viennent d'une carrière, mais avec des pierres vivantes pour reconstruire le temple de Dieu qui est le corps du Christ. Dieu suscite, comme il a suscité des prophètes et des héros dans le passé et qu'il a suscité Jésus, il suscite des charismes, des dons dans chacun des membres du corps du Christ. Moi, personnellement, comme prêtre, c'est une de mes grandes joies de voir les charismes advenir dans le peuple de Dieu, dans les personnes qui se lancent dans la vie de l'Esprit. Comme j'aime dire, c'est un peu comme quand on met un sac de pop-corn, vous savez, dans le micro-ondes qui est aplati, et puis au bout d'une minute, ça fait pouf, pouf, pouf, pouf. Voilà, quand une personne se met dans la chaleur de l'Esprit-Saint, pouf, il y a des dons et des charismes qui peuvent éclore, parce qu'ils sont là en puissance en vous. Et chacun reçoit des dons du Saint-Esprit, nous dit Saint Paul, selon que l'Esprit l'entend. Chacun a des charismes différents des autres. Et normalement, vous devriez être jaloux des charismes des autres, mais c'est fait exprès. Ça nous met dans la pauvreté, la dépendance les uns des autres. C'est-à-dire que, oui, mon frère a des charismes que j'aurai jamais, mais peut-être que moi, j'en ai que lui n'aura pas. L'homme garde dans l'humilité et la dépendance. C'est le premier message de cette deuxième lecture du corps du Christ, c'est-à-dire qu'il y a une grande plénitude, une grande diversité, mais qui se vit dans la solidarité de l'esprit, de la charité. C'est la même racine, charité et charisme. Ça n'a rien à voir avec le CH, hein? Qui a besoin de notre charité, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Donc, les dons et charismes, c'est une belle diversité dans la dépendance réciproque, dans la charité, pour reconstruire l'Église, pour nous remettre en contact avec cette origine qui est toujours contemporaine. L'Esprit de Dieu qui ne cesse d'appeler des nouveaux bâtisseurs dans notre Église qui a été sauvée par les 50 dernières années de déchristianisation dans tout le monde occidental, mais aussi en particulier au Québec. Alors, l'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus. L'onction est sur la tête du corps, mais comme l'huile, elle se répand sur tous les membres. Cela veut dire que dans le charisme que Dieu a déposé en vous, les charismes, c'est le Christ lui-même qui agit. Vous aurez l'expérience, ou vous l'avez peut-être défaite, de voir que Dieu agit à travers. C'est une belle expérience. Que ce n'est pas vous qui agissez, mais c'est à travers vous que Dieu agit. Un peu comme une fenêtre dans une maison n'est pas la source de la lumière, mais laisse passer la lumière. Dans cette onction, eh bien, on devient des fenêtres et des portes par lesquelles un peut passer, un peu comme passe à travers la vitre pour la régie un peu, mais ce n'est pas sa finalité, c'est d'éclairer les autres. Les charismes, les dons, sont faits pas d'abord pour notre sanctification, mais pour les autres, pour la construction, pour l'édification des autres. Alors, c'est important dans la charité fraternelle, s'encourager. Quand on reconnaît un charisme et quelqu'un, ben, il faut le féliciter. Belle. Un charisme de chant, un charisme de « ça m'a touché ce que tu as dit, tel a-t-il eu ?» Parce que ça permet aux personnes d'identifier leur charisme. Personne ne peut dire « moi j'ai tel charisme » ou « ça serait ». Mais en général, c'est les gens qui vont « ah, tu as ce charisme ». Par humilité au départ, on dit « ben non, je n'ai pas ça ». Mais la vraie humilité, c'est de l'accepter, de le reconnaître. Parce que si j'ai ce charisme, alors il y a toute une petite mission qui se dessine derrière ça. Et non seulement les faire du bien autour de vous, mais vous allez vous construire, vous allez apprendre à vous abandonner à l'Esprit-Saint, à lui faire confiance, de laisser agir à travers vous, mais les uns pour les autres. Donc l'Esprit du Seigneur est ce qu'il m'a envoyé, porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils auront la vue. C'est tellement actuel, ces paroles aujourd'hui. Tellement de personnes qui sont captifs, qui sont aveuglés, ils n'ont pas vu l'espérance qui leur est donnée. Ils sont esclaves de leur péché ou de leur passion ou de leur ignorance, opprimés par toutes sortes de forces qui veulent les asservir. Mais la miséricorde de Dieu est là. Une née de bienfait, vous savez, nous sommes... Je l'ai dit au début, dans l'année de la miséricorde, où le pape, on va en parler au groupe de prière mercredi, nous invite à redire à travers le ministère de l'Église l'amour miséricordieux de Dieu qui est allé jusqu'à donner son propre Fils en rançon pour la multitude. Donc Jésus referme le livre et il dit « c'est aujourd'hui que cela s'accomplit, mais c'est un aujourd'hui qui est le nôtre ». La parole de Dieu est vivante. Ce commencement, maintenant, il est devant nous. Il se donne à nous. Jésus compte sur toi pour l'aujourd'hui de l'accomplissement de la parole de Dieu. Il faut faire un acte de foi dans cette parole qui est puissante et agissante. Cet acte de foi en les charismes, tu ne vois pas encore peut-être, qui sont en toi. Cet acte de foi dans la foi de l'Église que nous allons maintenant prononcer ensemble.